Chapitre 8e. Ce fut là le terme où vint aboutir une longue carrière de travaux dont la perspective eût jeté dans le désespoir l'âme la plus intrépide et qu'il eût été impossible d'envisager encore sans effroi après l'avoir parcouru. C'était un prix au-dessus de tous les calculs humains que j'avais acheté ce lieu de repos. Soit que l'on considère les efforts qu'il m'avait fallu faire pour franchir les murs de ma prison, soit que l'on passe en revue cette immensité d'anxiété et de péril auxquels j'avais été en proie depuis cette époque. Mais pourquoi appelais-je un lieu de repos celui où j'étais alors? Hélas, ce fut pour moi précisément le contraire. Ma première et ma plus importante affaire fut de repasser tous les projets de déguisement que j'avais pu imaginer jusqu'alors, de chercher à tirer tout le parti possible de ce que la pratique m'avait donné d'expérience à cet égard, et d'ourdir pour m'envelopper un voile plus impénétrable que jamais. C'était un genre d'effort auquel je ne voyais pas de terme. Dans les cas ordinaires, la clameur publique excitée contre un prétendu malfaiteur ne dure qu'un certain temps. Mais ce n'était pas d'après les cas ordinaires que le génie colossal de M. Falkland était fait pour être jugé. Par la même raison, Londres, qui paraît être pour la majorité des hommes un réservoir inépuisable de moyens et de ressources pour se dérober aux recherches, ne pouvait pas s'offrir à moi sous cet aspect consolant. Si la vie valait la peine que je l'acceptasse à de telles conditions, c'est sur quoi je ne puis me prononcer. Tout ce que je sais, c'est que je m'attachais avec persévérance à déployer toutes mes facultés vers le but que je m'étais proposé et que j'embrassais cette résolution par une suite de l'affection paternelle que les hommes ont ordinairement pour les productions de leur intelligence. Plus j'avais consommé de pensées et d'efforts de génie pour amener mon projet au point de perfection où il était, moins j'étais disposé à l'abandonner. Un autre motif qui ne m'animait pas avec moins d'ardeur à la poursuite de mon dessein, c'était cette aversion que je sentais toujours croître dans mon âme contre l'injustice et le pouvoir arbitraire. Le premier jour de mon arrivée à la capitale, je me retirai dans une petite auberge du faubourg de Southwark, quartier que j'avais préféré à cause de son éloignement de la province d'où je venais. J'entrai dans cette auberge sur le soir dans mon habit de paysan, et ayant payé pour mon logement avant de me coucher, dès le lendemain matin, autant que ma garde-robe me le permit, je me fis l'accoutrement le plus différent possible de celui de la veille, et je quittai le logis avant le jour. Je pliai ma souquenie en un petit paquet, et l'ayant emporté avec moi à une distance qui me parut suffisante, je la laissai dans le coin d'une allée que j'eus à traverser. Ensuite, mon premier soin fut de me pourvoir d'un autre ajustement qui ne ressembla en rien à ceux dont j'avais fait usage jusqu'à ce moment. L'extérieur que je me décidai à me donner cette fois, ce fut celui d'un juif. Nous avions dans la forêt un de nos voleurs qui était de cette nation, et le talent que j'ai, comme je l'ai déjà annoncé pour l'imitation, me mit à même de contrefaire assez bien la manière dont les juifs prononcent l'anglais pour pouvoir me tirer d'affaire dans toutes les occasions qui pourraient se présenter. Une des précautions préliminaires que je ne négligeais pas, ce fut de me rendre à un quartier de la ville où ils demeuraient en grand nombre et d'y étudier leurs mines et leur maintien. Après avoir ainsi fait ma provision et m'être aussi bien préparé que la prudence pouvait l'exiger, je m'en allai chercher un lit dans une auberge du côté de Myland et Wapping. Là, j'endossai mon nouvel équipage et après avoir pris les mêmes précautions que la dernière fois, je quittai ce logement à l'heure où il y avait le moins de risque d'être vu. Il serait assez superflu de décrire ici mon nouvel habillement dans tous ses détails. Il suffira de dire qu'un de mes soins fut de changer tout à fait la couleur de mon visage et de lui donner cette teinte livide et obscure qui est la plus ordinaire aux gens de la caste que j'avais adoptée. Et quand ma métamorphose fut achevée, après m'être bien examiné dans tous les sens, il me fut impossible de m'imaginer que qui que ce fût s'avisât jamais de déterrer sous ce nouveau déguisement la personne de Caleb Williams. Quand je fus une fois avancé jusqu'à ce point dans l'exécution de mon plan, je trouvai à propos de me procurer un logement et de changer mon allure jusqu'ici toujours errante pour un genre de vie sédentaire. Dans ce logement, je me tins renfermé constamment depuis le lever du soleil jusqu'à son coucher. Je sortais seulement quelques instants pour prendre l'air et me donner un peu d'exercice en corps et thèse de nuit. Quoique logé au plus haut étage, je poussai la précaution jusqu'à ne pas m'approcher de ma fenêtre. Enfin, je m'étais fait la maxime de ne pas m'exposer inconsidérément et sans nécessiter à un risque, quelque léger qu'il pût paraître. À ce moyen, je vins à bout de m'ensevelir, à ce qu'il semblait, dans une profonde obscurité, et de me séquestrer des poursuites et du commerce des humains. Cette obscurité, toutefois, avait peu de ressemblance avec celle dont je m'étais formé l'image avec tant de plaisir, quand j'étais encore dans la prison de X. Certes, il y a une grande différence entre la solitude champêtre où l'homme repose tranquillement sa tête au sein de la verdure et de la paix des campagnes, et entre cette vie retirée au centre même de l'action et du mouvement, où le bruit et l'inquiétude vous assiègent sans cesse et où vous travaillez dans un effroi continuel à vous soustraire à l'œil de votre semblable. Je me serais regardé encore bien plus sûrement caché si j'avais possédé de quoi subsister. La nécessité de gagner ma vie par mon travail était un obstacle au plan de retraite et d'obscurité que j'étais condamné à suivre. Quelque genre de travail que j'adoptasse ou pour lequel je me trouvasse propre, la première chose à examiner était de savoir comment je viendrais à bout d'avoir de l'occupation et où je trouverais quelqu'un pour m'employer ou bien pour acheter le produit de mon travail. En même temps, je n'avais pas d'alternative. Le peu d'argent qui était échappé à la rapacité des sbires était presque tout dépensé. Après avoir considéré la question sous toutes ses faces, avec toute la maturité possible, je décidai que la littérature serait la carrière où je risquerais mes premières tentatives. J'avais vu dans mes lectures qu'il avait été gagné beaucoup d'argent à ce métier, et que des spéculateurs en ce genre de marchandises donnaient un gros prix à ceux qui étaient bons ouvriers. Je n'évaluais pas mes talents bien haut. Je ne me dissimulais pas que l'expérience et la pratique sont nécessaires pour frayer la route aux bonnes productions. Mais si ces deux maîtres me manquaient absolument, au moins mon penchant naturel m'avait-il toujours porté vers cette carrière et une soif d'instruction que j'avais sentie dès ma première jeunesse m'avait rendu les livres beaucoup plus familiers qu'on aurait pu l'attendre de ma position. Si mes prétentions à la palme littéraire étaient petites, je ne comptais pas non plus les faire payer bien cher. Je ne voulais que subsister, et j'étais convaincu qu'il n'y avait guère de personnes en état de vivre à aussi peu de frais que moi. Je considérais aussi que ceci n'était qu'une ressource temporaire, dont je n'aurais à faire usage que jusqu'au moment où le temps et les événements me permettraient de me placer plus avantageusement. Les motifs qui me décidèrent surtout à fixer ainsi mon choix furent que cet emploi était celui qui exigeait de ma part le moins de préparatifs et qu'aussi, à ce que je m'imaginais, c'était celui que je pouvais exercer avec le moins de risque d'être observé. Dans la maison où je logeais, il y avait une femme de moyen âge qui vivait seule dans une chambre sur le même palier que moi. Je ne fus pas plutôt déterminé sur la direction que je donnerais à mon industrie que je jetais les yeux sur cette femme comme sur un tiers qui pourrait me servir pour la vente de mes productions. Dans l'état d'exclusion où j'étais de tout commerce avec mes semblables en général, je trouvais du plaisir à échanger de temps en temps quelques paroles avec cette excellente personne qui était de la meilleure humeur du monde et déjà d'un âge à écarter tout scandale. Elle vivait d'une petite pension que lui faisait une femme de qualité, sa parente éloignée qui, riche à millions, n'avait sur le compte de celle-ci qu'une seule inquiétude, c'est qu'elle ne s'avisa de déshonorer son alliance par l'exercice de quelque honnête industrie. Il n'y avait pas de caractère plus uniformément gai et actif que celui de cette bonne créature qui se trouvait exempte en même temps des soucis de la richesse et de l'oppression de la misère. Quoiqu'elle ne prétendît guère à l'esprit et qu'elle eût peu d'instruction et d'acquis, avec cela elle ne manquait pas du tout de pénétration. Elle voyait d'un œil éclairé les fautes et les sottises des hommes, mais son humeur était d'une nature si douce et si indulgente que beaucoup de gens en auraient inféré qu'elle n'apercevait rien de tout cela. Il y avait dans son cœur un excès de bonté et de bienveillance qui ne cherchait qu'à s'épancher. Elle était sincère et vive dans son affection et ne laissait jamais passer l'occasion d'obliger quelqu'un. Dès que je lui témoignais ce que je désirais d'elle, je lui trouvais de la bonne volonté et même de l'empressement à s'en charger. Pour prévenir tout soupçon qui aurait pu naître dans son esprit, je lui dis franchement que, pour des raisons qu'elle me pardonnerait sûrement de ne pas dire, mais qui ne m'ôterait rien de sa bonne opinion si elle les connaissait, je me trouvais, quant à présent, dans la nécessité de me tenir tout à fait retiré. Je n'eus pas besoin de m'expliquer davantage, et elle me répondit qu'elle ne désirait pas en apprendre plus que je ne jugerais à propos de lui en dire. Mes premières productions furent dans le genre poétique. Quand j'eus achevé deux ou trois pièces, je les remis à cette généreuse amie pour les porter à un bureau de journal. Mais elle fut refusée avec mépris par l'aristarque du lieu, qui, après avoir jeté un coup d'œil superficiel sur mes vers, fit réponse que ce n'était pas là ce qu'il lui fallait. Je ne puis m'empêcher de dire ici que la contenance de Madame Marnay, c'était le nom de mon ambassadrice, était dans tous les cas une indication parfaite de l'issue de son message et qu'on était dispensé de lui demander aucune explication de vive voix. Elle se livrait à tout ce qu'elle entreprenait avec un dévouement si entier et y prenait un tel intérêt qu'elle était bien plus vivement affectée que moi-même du bon ou du mauvais succès. Pour moi, j'avais dans mes ressources une confiance qui me rassurait, et occupé comme je l'étais de réflexions d'une nature bien autrement intéressante, je regardais tous ces petits contretemps avec une parfaite indifférence. Je repris tranquillement mes pièces de verre et les remis sur ma table. Après les avoir revues, j'en corrigeai et recopiai une que je joignis avec deux autres pour faire offrir le tout à l'éditeur d'une feuille périodique. Celui-ci demanda qu'on les lui laissât pendant 2 jours. Au jour convenu, il fit réponse à mon ami qu'il insérerait mes vers dans sa prochaine feuille, mais, Madame Marnay lui ayant fait quelques questions sur le prix, il répliqua que sa règle constante était de ne rien donner pour les ouvrages en vers, qu'il trouvait journellement sa boîte pleine de ces sortes de productions, mais que si l'auteur voulait essayer son talent pour la prose, par quelques morceaux de littérature ou quelques petits contes, il verrait ce qu'il pourrait faire pour lui. Je me soumis sur le champ à cette réquisition de mon dictateur littéraire. Je me mis à composer une feuille dans le genre du spectateur d'Addison et elle fut acceptée. Au bout de peu de temps, je me trouvai en relation tout à fait établie avec le bureau. Toutefois, je me défiais de l'abondance de mes ressources en recherche morale et mes pensées se tournèrent bientôt vers le conte qui était l'autre genre de production que m'avait suggéré mon directeur. Pour suffire à ces demandes qui se multipliaient de plus en plus et pour faciliter mon travail, j'employais la ressource des traductions. Je n'avais guère la commodité de me procurer des livres, mais comme j'avais la mémoire excellente et bien fournie, il m'arrivait souvent de traduire ou d'imiter des fictions que j'avais lues quelques années auparavant. Par une fatalité dont je ne saurais trop rendre raison, mon imagination se portait le plus ordinairement sur les histoires des fameux voleurs, et de temps en temps, je fournissais à mon entrepreneur des incidents et des anecdotes de Cartouche, de Guzman d'Alfarache et d'autres mémorables personnages qui ont terminé à la potence ou sur l'échafaud leur illustre carrière.